Vous écoutez Futur Simple et vous êtes sur les ondes de CKRL au 89.1. On va maintenant aborder la problématique du poids et des préjugés qui entourent l'obésité. Et on va plus spécialement s'intéresser au cas des femmes enceintes. Alors, une prise de poids trop élevée durant la grossesse n'est pas souhaitable, tout comme une prise de poids insuffisante qui peut aussi présenter des risques pour la santé. Donc, le poids, la grossesse et les préjugés à l'égard de l'obésité, c'est le sujet de Karine Gravel, qui est, rappelons-le, nutritionniste et docteur en nutrition à l'entreprise Papilla. Bonjour Karine. Bonjour Valérie. Donc, dans la population générale, pas seulement auprès des femmes enceintes, le fait de juger le poids des personnes obèses peut avoir des conséquences dommageables sur leur santé. Par exemple, les personnes obèses risquent davantage de souffrir de dépression ou d'anxiété. Il existe d'ailleurs une croyance voulant que si on juge sévèrement les personnes obèses, ben elles vont se prendre en main, elles vont perdre du poids parce que c'est une question de volonté. Mais non, la science nous indique plutôt l'inverse. Lorsqu'elles se sentent jugées, certaines femmes obèses se consolent en mangeant sans avoir faim, alors que d'autres vont aussi se sentir moins motivées à pratiquer de l'activité physique, notamment à cause du regard qu'on pose sur elles. Un autre préjugé aussi, c'est de croire qu'il est facile de contrôler son poids, même si en réalité, on sait que l'obésité, c'est une problématique qui est très complexe, qui implique plusieurs facteurs qui vont à leur tour influencer l'équilibre entre ce qu'on mange et ce qu'on dépense. Et la façon dont les personnes obèses sont présentées des fois dans les médias, ça doit aussi maintenir ou favoriser ces préjugés, non? Oui, effectivement. Les personnes obèses sont souvent et injustement présentées comme étant paresseuses, indisciplinées ou peu attirantes. Et puis, la popularité des émissions de télé, comme par exemple « Hyper Gang », il y a des données scientifiques là-dessus, des films et des publicités qui reflètent la stigmatisation liée au poids corporel, laissent croire que c'est socialement accepté de juger le poids des autres. Donc, plusieurs études récentes le confirment. Et donc, tous ces préjugés valent aussi envers les femmes enceintes, bon, qui généralement vont prendre du poids pendant leur grossesse. Oui. En fait, il y a deux études qui ont évalué l'expérience des femmes enceintes et obèses auprès des professionnels de la santé lors de leur suivi de grossesse. Donc, comme pour la population générale, les résultats ont montré que les femmes enceintes et obèses se sentaient davantage accusées et traitées avec un manque de respect par certains professionnels de la santé. Aussi, elles ont mentionné ne pas avoir nécessairement reçu d'informations qui auraient pu leur être utiles en lien avec leur poids. Et puis, intéressant aussi, l'une de ces deux études-là a aussi évalué le point de vue des professionnels et certains d'entre eux ont reconnu avoir une attitude moins positive à l'égard des femmes enceintes lorsqu'elles étaient obèses. Intéressant le fait qu'ils l'aient reconnu, par exemple. Oui. On dit aussi que près de la moitié des femmes tentent de contrôler leur poids, comme on le disait, avec l'influence du message véhiculé par les médias, par exemple, donc dans la population générale. Qu'est-ce qui se passe avec cette préoccupation durant la grossesse? Est-ce que les femmes gardent encore cette préoccupation de contrôle de leur poids? Oui, bien, c'est sûr que pour certaines, le fait d'être enceinte, elles vont laisser un petit peu de côté ces préoccupations-là, alors que pour d'autres, ça peut mener à des troubles de comportement. Je ne sais pas si vous avez déjà entendu parler du terme momirexie. C'est la contraction des mots maman et anorexie, ou encore c'est appelé prégorexie. Donc ça, c'est retrouvé notamment auprès de certaines vedettes. On peut voir ça dans les magazines parfois. Donc, la prégorexie, c'est se priver de manger et être active physiquement, mais de façon intensive et excessive. De peur de prendre du poids carrément ou trop de poids pendant la grossesse. Donc, c'est une pratique qui est dangereuse. Ça ne semble pas conseillé, effectivement. Mais on dirait que des fois, ça semble valorisé dans certains magazines. Donc, par exemple, lorsque la mère ne mange pas suffisamment, on sait que c'est le fœtus qui est prioritaire, donc c'est la mère qui risque d'avoir des carences en premier. Mais si le fœtus connaît lui aussi des carences, ben il risque un retard de développement, une naissance prématurée, puis aussi un plus grand risque d'obésité et de diabète une fois adulte. Oui, donc ça, c'est des études qui l'ont démontré. Et malgré tout, on voit que certains médias guettent quand même le poids des vedettes et leur remise en forme après l'accouchement. Donc, il faut qu'elles aient retrouvé leur taille initiale, que leur ventre soit bien plat, qu'elles soient bien coiffées, bien maquillées, tout en ayant l'air reposée après quelques semaines de l'accouchement. Donc, on sait que c'est pas la réalité, mais le fait de voir ça, ben ça peut mettre de la pression auprès de certaines femmes pour retrouver leur poids rapidement. Puis à ce moment-là, ben elles peuvent avoir recours à des diètes amaigrissantes qui sont inefficaces à long terme et être ben constamment insatisfaites de leur poids. Oui, c'est ça, exactement. Donc parce qu'en fait, c'est normal et souhaitable de prendre du poids pendant les grossesses. Il y a un petit bébé à nourrir. Donc quelles sont les recommandations concernant la prise de poids pendant la grossesse justement? Bon, on sait que ben en mangeant une variété d'aliments selon sa faim, sa satiété, et en étant active physiquement, les femmes enceintes devraient prendre le poids qui est nécessaire pour elles-mêmes et leur bébé. Donc, pas besoin de suivre un plan alimentaire qui est rigide dans le but de ne pas prendre de poids ou en prendre peu, ou c'est pas nécessaire non plus de manger pour deux. Lorsque les besoins en énergie deviennent plus élevés, la faim est davantage présente. Hein, ça s'ajuste parce que la demande est plus grande. On a un petit bébé à fabriquer. Donc, la prise de poids peut aussi varier d'une femme à l'autre, dépendamment aussi du poids avant la grossesse. Mais si on se base sur l'indice de masse corporelle, pour une femme qui a un poids qui est considéré normal avant d'être enceinte, ben la prise de poids, normalement, elle devrait être entre 25 à 35 livres ou encore 11 à 16 kilos. Donc, au début de la grossesse, certaines femmes prennent du poids et d'autres peuvent même en perdre un petit peu. Ah oui. Ça, c'est surtout celles qui ont des nausées ou qui ont moins d'appétit au départ. Mais si le poids augmente plus ou moins au début de la grossesse, ce n'est pas nécessairement anormal. On peut se poser des questions, mais ce n'est pas nécessairement anormal. Mais la prise de poids devrait s'ajuster par la suite. Puis le rythme de prise de poids aussi est propre à chaque femme. Puis on peut se demander aussi, bon, si une femme enceinte a une prise de poids d'environ 30 livres, ce que tu mentionnes pendant à la fin de la grossesse, comment se répartissent ces 30 livres entre le bébé et la maman? Parce que le bébé aussi compte pour quelques livres. Bien sûr. Donc le poids du bébé, on peut dire, bon, si on suffit à peu près d'une femme qui a un poids normal, qui a 30 livres supplémentaires là, juste avant d'accoucher. Donc le bébé, c'est environ le quart de la prise de poids, donc 7 à 8 livres. Alors, parfois, on voit dans certains magazines que certaines femmes pesaient 7 livres de plus à la naissance du bébé. Donc, moi, ça m'inquiète. Ouais, c'est pas bon signe. Donc, le reste de la prise de poids, donc le reste du 30 livres, on peut dire à peu près un autre quart pour les réserves de masse grasse de la mère, donc environ 7 à 8 livres de masse grasse. Puis ensuite, ben, si on y va en ordre décroissant, on a une partie de la prise de poids pour le sang et les liquides extravasculaires, donc les liquides qui ne sont pas dans les cellules ni dans les vaisseaux sanguins. Puis ensuite, on a du poids supplémentaire pour l'utérus, le liquide amniotique, le placenta, puis les seins aussi. Exact. Donc, même si c'est facile d'être influencé par les images vendues dans les revues ou à la télé, il faut se dire encore une fois que c'est pas la réalité. Et si la mère est en surpoids ou si son poids est insuffisant avant la grossesse, quelle devrait être la prise de poids idéale finalement? Je parle de son poids avant la grossesse. Oui, c'est ça. Donc, disons au début de sa grossesse. Donc, si la mère est déjà en surpoids avant d'être enceinte, donc sa prise de poids devrait être un petit peu moins importante parce que c'est comme si, par exemple, tantôt je parlais du poids de 7 à 8 livres de réserve de masse grasse. Bon, la femme qui est en surpoids va déjà avoir un petit peu plus de réserve. Donc, à l'inverse, si la mère a un poids insuffisant avant d'être enceinte, donc là, je me fie toujours à l'indice de masse corporelle, donc elle est très, très mince, il faudrait à ce moment-là s'attendre à ce que sa prise de poids soit un petit peu plus grande que le 25 à 35 livres. On ajuste aussi, si ce sont des jumeaux ou des triplés, la prise de poids sera un petit peu plus importante. Ouais. Et après l'accouchement, comment se fait la perte de poids? Combien de temps ça peut prendre? La plupart des femmes retrouvent leur taille sans effort particulier. Les réserves accumulées pendant la grossesse vont s'éliminer naturellement. La recommandation après l'accouchement, c'est de bien s'alimenter, de bouger et d'être patiente. Parce que certaines femmes qui ont hâte de retrouver leur poids, entre guillemets, normal, surtout quand elles voient les images qui sont véhiculées par certaines stars, elles pourraient se dire, faut pas que je mange, faut que... Alors que c'est pas ça. Puis quelque chose qui est intéressant de se rappeler, c'est que le poids qui est gagné en 9 mois, ça peut pas être éliminé en quelques jours ou en quelques semaines. Sûr, si on se laissait un autre 9 mois, par exemple, ça serait quelque chose de raisonnable. Mais bon, on dit à peu près une perte de 2 à 4 livres par mois, ça semble raisonnable. Ça s'en va naturellement, sans faire quelque chose de spécial pour ça. Puis même physiologiquement, l'utérus s'étire beaucoup durant la grossesse et peut mettre environ 6 mois pour retrouver sa forme initiale. Donc, c'est fait comme ça. Donc, c'est impossible qu'après 3 semaines, il n'y ait aucune trace. Ouais. Et pour les femmes qui allaitent, ben, c'est très important de résister aussi à la tentation de maigrir trop rapidement, parce qu'une alimentation qui est pauvre en calories, ben, ça peut diminuer la production de lait, puis le niveau d'énergie de la mère aussi. Donc, en résumé, ben, il s'agit, puis c'est ce que tu dis souvent d'ailleurs, d'avoir des habitudes saines, sans tomber dans l'excès et le contrôle, donc de faire confiance à comment son intuition. Oui, donc je répète toujours la même chose. Hein. Donc, d'éviter de juger le poids des autres aussi. Oui, c'est ça, parce que juger le poids des autres, ça ne fait maigrir personne. C'est vrai, absolument. C'est juste inutile. Mm-hmm, absolument. Ben, merci Karine pour tout cet aperçu sur la prise de poids chez les femmes enceintes. Merci. Et pour en savoir davantage d'ailleurs sur la nutrition, ben, on peut toujours visiter le site de ton entreprise, papilla.com. Papilla.ca. Papilla.ca. Merci. Un peu de musique maintenant sur CKRL au 89.1 et au retour, on vous parle d'un nouveau test de dépistage de la maladie d'Alzheimer, justement en mesurant le gras.